Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et dans cette deuxième demi-heure d'émission, nous allons vous proposer des idées de sorties scientifiques en commençant par une visite au musée de la civilisation. Si je vous dis nuages, vous pensez à quoi? À ces masses grises ou blanches dans le ciel qui déversent pluie et neige ou aux nuages numériques? Alors si vous pensez aux nuages numériques, vous avez la bonne réponse, mais si vous pensez nuages numériques, vous pensez à quoi au juste? Avez-vous quelque chose de concret à mettre derrière cette expression cotonneuse? Car il y a bien des façons de considérer le nuage numérique, comme le montre l'exposition « La tête dans le nuage » présentée en ce moment au Musée de la Civilisation. Et pour découvrir cette exposition, j'ai à mes côtés Marie-Christine Bédard, qui est chargée de projet au Musée de la Civilisation, et c'est elle qui a monté l'exposition. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Alors peut-être j'aimerais qu'on commence par donner une idée de la taille de ce nuage. Est-ce que c'est comme un énorme nuage d'orage ou comme un petit nuage filiforme? C'est une grosse question. La taille exacte, évidemment, on ne la connaît pas, mais ce qu'on peut s'imaginer quand vous suggérez à vos auditeurs de mettre des images sur ce nuage-là, il faut s'imaginer des câbles, des chambres de serveurs, ce qu'on appelle des centres de données. Il y en a des milliers à travers le territoire, sur la planète. Mm-hmm. Alors, en réalité, le nuage est beaucoup plus matériel et rempli d'infrastructures qu'on peut l'imaginer. Et là, vous parliez de données, donc de centres de données, donc des données. Est-ce qu'on sait combien il y a de données qui circulent dans tous ces centres d'un utilisateur à un autre? On a des... Oui, il y a des chiffres sur ça beaucoup. C'est une des choses qu'on fait dans une première zone de l'exposition, d'ailleurs, d'essayer de rendre ça un peu plus concret pour nos visiteurs. C'est quoi une donnée exactement? Ouais. Puis c'est quoi des quantités de données? Hein? On a des forfaits cellulaires, on choisit des quantités de données. On sait que ça nous coûte quelque chose, mais... On paye pour des données, mais c'est quoi une donnée exactement? Et on a fait une installation dans l'exposition qui part d'une comparaison que plusieurs spécialistes des données massives font avec les grains de riz. Mm-hmm. Donc, si on dit que 8 grains de riz équivalent à 1 octet, on essaye de faire des parallèles avec plusieurs formats numériques. Donc, on se rend jusqu'à une simple vidéo qu'on visionne sur YouTube, par exemple. Ça représente 52 baignoires remplies de grains de riz. Ah oui! Alors, ça donne une image. Je vois votre visage. C'est ça. Donc, c'est des quantités phénoménales de données qu'on produit à chaque seconde, chaque minute, chaque jour. On en donne quelques chiffres. Là, on a une installation où on donne le nombre de données produites sur certaines plateformes numériques depuis le début de la journée. Alors, par exemple, tantôt, quand j'étais dans la salle, il y avait 4 milliards de vidéos visionnées sur YouTube depuis le début de la journée. Ah oui. Ouais, donc il y avait 2 milliards de publications Facebook depuis le début de la journée. 4 milliards sur le nombre total de la population, ça me paraît beaucoup. Oui, c'est énorme. Quand même, c'est ça, c'est qu'il y a presque un humain sur deux, plus que ça, qui a consulté une vidéo aujourd'hui. Mm-hmm. Donc ça nous donne un peu une idée du gigantisme peut-être du nuage. Est-ce que dans l'exposition, il y a quand même un peu de matérialité pour voir en quoi consiste ce nuage, qui n'est pas que nuage, c'est quand même des centres de données, vous le disiez, oui. Les appareils. Donc comment est-ce qu'on fait pour approcher ce côté matériel à l'exposition? Bien, vous mettez le doigt sur ce qui était un des défis importants de cette exposition-là. On parle d'enjeux, de concepts, de trucs assez abstraits. Et il fallait rendre ça concret et le mettre en 3D. Le médium privilégié d'une exposition, c'est les objets. Mm-hmm. Donc, parmi les objets qu'on a pour illustrer les infrastructures, on a des câbles, par exemple, parce qu'on pense que la plupart de nos données circulent par les satellites, mais en réalité, 99% de nos données circulent par des câbles sous-marins. Ah ouais. Donc, on a emprunté à plusieurs compagnies et entreprises qui fournissent ces câbles-là et qui les installent dans le monde. C'est gros, un câble? C'est une fibre optique, c'est tout petit, hein, c'est un tout petit fil qui est emballé. Il y a plusieurs fibres emballées ensemble dans des gaines qui protègent les fibres. Et tout ça est emballé plusieurs fois pour assurer la protection quand c'est installé sous l'eau. Là. Donc, c'est le genre d'objet qu'on a. On a des satellites, évidemment, des antennes, des objets bien concrets qui permettent de voir c'est quoi les infrastructures. Ouais. Puis aussi, j'ai lu donc dans la description d'exposition qu'il y a des objets menacés. Oui. Alors, sans dévoiler ce que c'est, parce que c'est quand même intriguant, ça, des objets menacés. On connaît les espèces menacées en voie d'expression. Là, il y a des objets menacés. Oui. Donc, juste mentionner qu'il y a ces objets menacés, mais je veux qu'on laisse l'intrigue pour laisser la surprise aux visiteurs. Qu'est-ce que c'est que ces objets menacés? En fait, l'idée, c'est de Le point de départ de cette exposition-là, c'est de montrer qu'on vit vraiment une révolution qui est comparable à bien d'autres révolutions que l'humain a vécues, comme l'apparition de l'écriture, comme l'apparition de l'imprimerie, la révolution industrielle, à la différence que la révolution numérique en est une qui se fait en accéléré. Ça se fait très rapidement. Le téléphone que tout le monde a dans ses poches maintenant a à peine 13 ans. Donc, il y a des objets qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie quotidienne qui sont appelés à disparaître ou à être désuets, des entreprises qui sont obligées de se redéfinir parce que les plateformes numériques proposent d'autres modèles d'affaires. Donc, c'est ce genre d'objets menacés dont on parle. Puis, bon, il y a toute cette matérialité technologique, mais il y a quand même un côté immatériel qu'on perçoit un peu moins. C'est par exemple les effets de la connexion sur nous-mêmes, sur nos comportements avec autrui. Puis c'est un thème que vous abordez aussi dans la zone intitulée mode avion. Oui, parlez-nous de cette zone-là. Alors c'est une zone qu'on a conçue en collaboration avec le studio interactif de l'ONF. Et là, ce qu'on voulait faire, c'est justement, comme vous le dites, de ramener la réflexion sur qu'est-ce que ça change pour moi personnellement comme individu, le fait d'être connecté en une grande partie de mes journées, le fait d'avoir un téléphone sur moi, comment j'interagis avec les autres, avec moi-même, comment je me représente. Donc c'est un parcours très physique. On n'est pas du tout dans des moyens numériques dans cette zone-là. C'est un parcours dans lequel le visiteur est questionné sur sa relation avec son téléphone. Alors, on va vous demander, par exemple, est-ce que vous aimeriez mieux perdre votre portefeuille ou votre téléphone? Duel, cruel dilemme. Est-ce que ça vous arrive de vous remettre en question quand vous faites une publication et qu'il n'y a pas autant de likes que vous auriez souhaité? Ouais. Est-ce que vous faites des choses en vous imaginant que vous allez les publier? Alors, c'est ce genre de questions-là qu'on pose aux visiteurs. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. C'est seulement des pistes pour amener le visiteur à réfléchir sur quelle place ces outils-là prennent dans leur vie, quelle place on devrait leur laisser prendre dans nos vies. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect aussi qui fait réfléchir, c'est les conséquences sur la vie privée aussi. Et puis, vous avez aussi des robots dans l'exposition. Donc, on voit quand même que l'exposition touche assez large. Et maintenant, la question que je vais vous poser à vous, responsable de l'exposition, vous ne pouvez pas avoir toute cette science infuse sur... Donc, j'imagine que vous avez fait appel à des experts pour parler comme ça de vie privée ou des effets de la connexion. Vous avez fait appel à des experts pour monter l'exposition? Absolument. On a toujours une grande équipe qui travaille avec nous dans le cas d'une exposition comme celle de La tête dans le nuage. À terme, c'est près de 200 personnes qui vont être intervenues de près ou de loin dans le projet. Il y a un comité scientifique qui a été mis en place dès le début du projet pour nous accompagner dans la réflexion, dans les choix thématiques, dans les orientations. Et on fait des groupes tests avec nos publics cibles aussi. Je vais commander des recherches spécifiques avec des spécialistes ou des vulgarisateurs des fois aussi pour des aspects de l'exposition. Donc, évidemment, on s'entoure pour être sûr d'avoir le bon ton et d'avoir des propos justes. C'est ça, avoir les propos justes et savoir comment les dire aux différents publics, parce que votre exposition s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, aux plus âgés? En fait, à tout le monde. Et de ce que je peux voir depuis qu'elle est ouverte, elle plaît vraiment à tout le monde, des petits aux plus grands. Mais on a pensé cette exposition-là en particulier pour les 14-35 ans. Donc, on a fait nos choix en les ayant constamment en tête. Donc, ça veut dire que les textes sont écrits pour être appréciés par ce genre de clientèle-là, qu'il y a des moyens qui sont proposés, qui sont plus populaires pour des jeunes, par exemple. Et on a choisi ce public-là parce que, paradoxalement, ces gens-là, quand on les consultait, les jeunes, ils nous disaient, ben moi, j'ai pas vraiment besoin que vous m'expliquiez comment ça marche le numérique parce que je connais ça, j'ai grandi avec ça et tout ça. Et les plus vieux et les spécialistes disaient, mais c'est important de développer un esprit critique chez nos jeunes par rapport à ça, de les éduquer, de développer une hygiène numérique, etc. Il y a peut-être on sait peut-être faire des clics, etc., mais toute la réflexion l'envers du décor de tout ça. Oui. Et puis, bon, il y a l'exposition, mais est-ce qu'il y a d'autres activités connexes comme des conférences ou des ateliers envelopper l'exposition? Oui, tout à fait. Il y aura des séries de conférences qui seront offertes dans les prochains mois. Il y a des activités éducatives qui sont offertes à plusieurs niveaux de groupes scolaires. Ah, c'est pour les groupes scolaires? Oui, oui, okay. Oui, il y a déjà plusieurs réservations de fait d'ailleurs, là, mm-hmm. mais il reste de la place si des écoles veulent venir. Il y a des documents, un document d'accompagnement aussi pour les groupes scolaires qui veulent venir de façon autonome. Et il y a des activités, des animations pour les familles, pour pour le grand public. Là. D'accord. Ouais. Donc là, on peut aller se baigner dans l'exposition et on peut approfondir par ces activités éducatives avec les familles. Et évidemment, on trouve toute l'information sur le site. Sur le site du musée, bien sûr. Voilà, alors on sait tout sur l'exposition, ou presque en tout cas, sur le nuage numérique. Mais pour tout savoir, il va vraiment falloir aller voir cette exposition, La tête dans le nuage, au musée de la civilisation. Merci beaucoup, Marie-Christine, de nous l'avoir présentée. Merci à vous. Nous étions en compagnie de Marie-Christine Bédard, chargée de projet, responsable de l'exposition « La tête dans le nuage » au Musée de la Civilisation. On fait une petite pause sur CKRL 89.1 avant de découvrir les conférences des clics.